Sans dot, de Georges Honnay. Chapitre 1er. Aux soirées du général, quand elle entrait dans le grand salon, souriante, fraîche, ses jolies épaules nues, un murmure caressant s'élevait du groupe des officiers massés aux encoignures des portes. Derrière elle, sa mère, majestueuse dans sa toilette un peu voyante de femme ayant toujours habité la province, secouait ses tire-bouchons de cheveux blancs avec un air d'orgueil, semblant dire « C'est ma fille !» Et Fluet, doux, modeste, son père, colonel au 123e, suivait, s'appliquant à ne pas marcher sur les traînes des robes. À peine assise, un peloton de lieutenants et de capitaines, l'élite de la garnison de Versailles, sanglés dans leurs uniformes de grande tenue, moustaches blondes ou brunes, aux yeux rêveurs ou hardis, s'élançaient à l'assaut de son carnet de bal. Et dans la clarté dorée des lustres, au son des instruments, elle se mettait à danser, légère et gracieuse, emportée au bras de ces jeunes gens empressés à lui plaire. Pour eux, ses désirs étaient des ordres et ses caprices des lois. Fille du colonel, aux époques où se dressait le tableau d'avancement, il pouvait suffire d'un éloge jeté négligemment par elle. « Ah, le lieutenant untel, quel charmant officier ! Et quel bon valseur ! » Pour décider de toute une carrière. Aussi, elle les faisait marcher comme à la manœuvre, avec un petit ton de commandement crâne et coquet. Elle était ainsi arrivée à 22 ans, vivant des jours très gais, parcourant la France au hasard des garnisons, drapeaux déployés et clairons sonnants, dans une existence un peu nomade. Sa mère commençait à manifester de l'impatience. Elle eût voulu l'avoir mariée. Mais entre elle et les prétendants, une barrière effrayante se dressait, sur laquelle étaient écrits ces mots décisifs « sans dot ». Et les officiers flirtaient, riaient, dansaient, mais ne paraissaient pas du tout songer à épouser. Plaire à la fille du colonel pour obtenir de bonnes notes, parfait. Pousser jusqu'au mariage, autre chanson. Et aucun ne paraissait disposé à en apprendre l'air. Aucun de ceux qu'on eût favorablement accueillis. Car depuis un an au moins, la jeune fille avait un amoureux timide et tremblant dont, l'ingrate, elle riait volontiers. C'était un gros garçon à la moustache rousse et aux yeux bleus, lorrain de naissance, et sorti de l'école de Saint-Maxent. Il s'était engagé à 18 ans, avait été blessé à la bataille de Coulmiers et portait la médaille militaire. Mais comme il n'avait point passé par Saint-Cyr, on le traitait de haut. Fils de paysan, il était robuste et sanguin, peu parleur, quoiqu'il fût instruit. Très brillant sur le terrain de manœuvre, il perdait pied dans un salon. Il savait à peine danser. La crainte seule de passer pour un impoli l'avait entraîné à inviter une fois la jeune fille. Et il avait si bien embrouillé les figures du Boston que les plus habiles n'avaient pu s'y reconnaître. Ce déplorable essai lui avait suffi, et plutôt que d'affronter de nouveau les regards moqueurs, il eût gaiement marché sur une batterie tirant à mitraille. Enfoncé dans une embrasure de fenêtre, il regardait pendant des heures celle qu'il adorait, dansant avec une riante vivacité. Il suivait sa petite tête évaporée dans la foule tournoyante et caressait des yeux ses blanches épaules. Quelquefois il s'enhardissait jusqu'à s'approcher de la mer et, cérémonieusement, il faisait sa cour. C'étaient ses plus grandes audaces. Il voyait avec envie ses camarades papillonner autour de la jeune fille, cambrer leurs torses, faire les avantageux. Plein d'une noire tristesse, il se disait « Un de ces jours, la nouvelle qu'elle épouse un de ces messieurs va se répandre en messe, et tout sera fini. » Il eut des accès de désespoir dans le silence glacial de sa chambre garnie. Il essaya de se raisonner. N'était-il pas fou d'aller songer à cette enfant gâtée, faite pour les douceurs de la vie luxueuse? Elle était réservée à quelques fils de famille, et non à un pauvre officier de fortune. Mais malgré lui, sa pensée s'envolait toujours vers elle. Il la voyait pendant les nuits d'insomnie, toujours tournant, rieuse et légère, dans l'emportement de la valse. Elle semblait l'appeler avec une coquetterie irritante, et il pensait « Qui sait ? Elle m'accepterait peut-être ? Alors son cœur battait dans sa poitrine à gros coups et il étouffait. Un matin, il n'y tint plus. La vie ainsi lui était devenue impossible. Il alla trouver le major qui lui avait toujours témoigné de l'intérêt. Et il le pria de voir le colonel et, sans aborder nettement la question, de pressentir l'accueil qui pourrait être fait à une demande en mariage. Il passa cette journée-là au bord de la pièce d'eau des Suisses, à regarder sauter les carpes au soleil, regrettant déjà sa démarche et voyant devant lui l'avenir tout en noir. Le soir, dans la cour de la caserne, le major le prit à part et lui dit d'une voix brève « J'ai vu le colonel, il a été excellent et voilà sa réponse. Votre protégé n'a pas le sou, ma fille n'a pas de dot, ce serait marier la faim et la soif. » Il a raison, sacrebleu, ne pensez plus à la demoiselle. Et si vous avez du chagrin, consolez-vous avec la théorie. » Le lieutenant remercia, mais il n'essaya pas de se consoler. Et comme on demandait des officiers pour envoyer au Tonkin, il se proposa, et la semaine suivante, il s'embarquait à Brest. Et pendant que le cœur gros, il s'éloignait, emporté sur les flots tumultueux de la large mer, la jeune fille, insouciante et joyeuse, continuait à danser dans la lumière et dans les fleurs, au doux bruit des instruments de fête.